dakhala al-jannah. Celui qui l'obéit rentrera au paradis. Celui qui obéit au prophète ou au rasoul rentrera au paradis. Allah a lié l'obéissance de son envoyé à la sienne. قال فمن يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. Celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Il a lié son obéissance à l'obéissance de son prophète. Dans Sourate An-Nisa, le verset 80. Et il a mis aussi comme condition pour gagner son amour l'obéissance du messager, du Rasoul. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Dit, si vous aimez vraiment Allah, فَاتَّبِعُونِ. Suivez-moi, ça veut dire suivez-moi le prophète. Suivez-moi. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Allah vous aimera. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et vous pardonnera vos péchés. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Et Allah est clément et miséricordieux. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. La suite du verset dit, obéissez à Allah et au Rasoul. فَإِنْ تَوَلَّوْا. Et si vous tournez le dos. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Si vous tournez le dos, Allah n'aime pas les gens infidèles. Donc dans Sourate 3, versets 31 et 32. Et il a relié ça aussi, l'obéissance du Rasoul, à sa miséricorde, subhanah. Wa ati'u Allah wa ar-Rasoul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son envoyé, et à l'envoyé, afin que vous receviez, ou vous receviez, afin que vous ayez la miséricorde d'Allah, que vous gagniez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et il dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate 4 verset 13, wa man yuti' Allah wa ar-rasula wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Et quiconque obéit à Allah et à son Rasoul, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà la grande réussite. Sourate 4, verset 13. وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ dans Sourate An-Nur. Et quiconque obéit à Allah et son Rasoul et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Dans Sourate An-Nur 24, verset 52. Et dans la Sunna, Hadith du Bukhari, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Toute ma communauté entre au paradis. Illa man aba, sauf celui qui s'en refuse. Toute ma communauté va rentrer en paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et ils dirent, les compagnons ont dit, qila wa man ya aba ya Rasulallah, et qui s'y refuse, envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'a obéi entre au paradis, et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Wa man asani faqad aba. Donc comment obéir à Allah et à son envoyé? En comprenant les enseignements du Coran et de la Sunna et en les mettant en pratique. Donc si notre extérieur est bon, notre intérieur est bon. Si nos actes extérieurs de dévotion, tous nos actes extérieurs sont bons, notre intérieur est bon. D'accord? C'est au contraire, si nos actes, et nos paroles, notre aspect extérieur ne sont pas conformes à la sunna, notre cœur ne se purifiera jamais. D'accord? Donc quand on se conforme à la sunna, on la met en pratique, notre intérieur est bon. Quand on adore Allah avec les innovations, avec l'ignorance, hein, avec l'ignorance qui change l'intention, qui la fait dévier, donc notre intérieur ne va pas être bon. Si on adore Allah avec le bid'a, avec les innovations, impossible que tu aies le khushu' dans ton cœur. que tu as l'humilité ou que tu as la vraie crainte ou le vrai amour. D'accord ? Si tu sens qu'il est bien, c'est l'embellissement de Shaitan. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont dans la bonne voie, alors ils disent, moi je me sens à l'aise, je sens une tranquillité, j'ai de l'émotion, etc., etc. Mais c'est un faux amour, c'est pas l'amour que veut Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas la crainte que veut Allah, c'est pas l'humilité que veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si on se conforme à la sunna extérieurement, notre intérieur est bon. Muslim, je vous donne dalil, la preuve. La preuve, cette preuve, ce hadith-là, vous le connaissez tous. Où l'on voit, le musulman, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il rectifiait les rangs. Le compagnon qui rapporte le hadith, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rectifiait nos rangs à la prière, à tel point qu'on dirait qu'il voulait vérifier la droiture des flèches. La droiture des flèches à celle de notre alignement. Ça veut dire, il insiste pour que les rangs soient bien alignés. Si bien que nous comprîmes bien que ce qu'ils voulaient. Ça veut dire qu'ils ont compris que le prophète veut bien les aligner et ils s'alignèrent aussi. Puis il sortit un jour. Le rapporteur du hadith, il dit, le prophète sortit un jour de l'une de ses chambres qui mène à la mosquée et annonça la prière. Et il était sur le point de faire takbirat al-ihram. Et quand il vit la poitrine, une poitrine sortir, diront. Pas tout le corps, pas le pied, rien qu'une poitrine qui sort, diront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux serviteurs d'Allah, vous veillez soigneusement à la rectitude de vos rangs, sinon Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. Latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. Traduction de wujuh, c'est visage, mais l'explication du hadith, il veut dire visage par cœur. C'est le cœur. Ceux qui expliquent le hadith ont dit la khalifan Allah bayna qulubikum. Ça veut dire qu'Allah va diverger entre sèmera la discorde dans vos cœurs. Comment? La discorde extérieure, ça n'a rien à voir avec le cœur. Tu vois? La personne va se dire, même si on n'est pas aligné, mais le cœur n'a rien à voir avec ça. Mais si on se conforme à la sunna extérieurement, notre cœur, Allah fait, il unifie entre les cœurs. Il fait qu'on se réunit. Il fait qu'on s'aime. Si on s'éloigne de la sunna, les cœurs divergent. Là, tout ça, allez-vous bien rectifier, allez-vous bien vous aligner, ou Allah fera diverger entre vos cœurs. Entre vos cœurs. Donc, qa'idat al-sunnah, une règle de al-sunnah al-jama'a, talazum al-zahir bil-batin. La relation extérieure et intérieure. D'accord? Il y a un autre hadith, ça c'est un hadith très important sur cette relation entre l'extérieur et l'intérieur. Ou hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, où il dit tu'aradu al-fitanu ala al-qulubi ka'ardi al-hasir 'udan 'uda, que le cœur est soumis et exposé aux tentations. Il est exposé aux tentations. Fa ayyu qalbin ashrabaha, si un cœur, chaque cœur qui accepte cette tentation, il imprègne cette tentation, nakatat fihi naktatan sawda, aura un point noir dans ce cœur-là. Wa ayyu qalbin ankaraha, donc le cœur, comme a dit Hudayfa, hadith du prophète sallam rapporté par Muslim, il dit que le cœur est exposé aux tentations. Chaque cœur qui imprègne la tentation, il la reçoit, il l'accepte, il aura un point noir. Et chaque cœur qui repousse cette tentation, il aura un point blanc. Jusqu'à ce qu'on va distinguer que deux sortes de cœurs. Qalbun aswad, un cœur noir. Mirbad, avec une légère blancheur. Kalkuzi muzakhia, comme un bol incliné. Ça, c'est le balara de la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné deux descriptions pour le cœur. Il a dit, il va devenir noir, avec une légère blancheur. Et il a dit, il va être comme un bol incliné. Un bol incliné, il veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ça, que si on verse de l'eau sur le bol incliné, il le reçoit, il ne le reçoit pas. D'accord? Il est incliné comme ça. l'eau il va couler, il ne va pas recevoir cette eau-là. De même, l'eau de la révélation, dans un autre hadith, dans le Bukhari, il dit « مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ » L'assemblance de ce qu'Allah m'a envoyé comme guidé et comme de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme connaissance, comme science et comme guidé est celle d'une pluie salvatrice. « كَمَثَلِ رَيْتٍ أَصَابَ أَرْضًا » D'accord. Donc, l'eau, la pluie salvatrice, s'il tombe sur un bol incliné, ce bol, il ne reçoit pas. Il ne va pas recevoir. De même, le cœur noir. Il absorbe les tentations. Et un cœur blanc, l'autre cœur. Il ne sera pas tenté par les passions. Tant que les cieux et la terre sont là. Donc il n'est pas tenté. Ça veut dire que la tentation ne le touche pas. Donc extérieur et intérieur. L'influence des tentations, ils noircissent le cœur, les tentations, s'il les reçoit la personne. Et les tentations sont de deux sortes, les passions, al-shahawat, et les ambiguïtés, al-shubuhat, les fausses vérités. Il y en a qui ont essayé, qui ont réussi à pousser les tentations de la vie, l'or, l'argent, la fortune, etc. Mais ils sont tombés dans les ambiguïtés, dans le bid'ah, les innovations. De deux sortes les tentations. Ces deux choses-là, comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est Ibn al-Qayyim dans Kitab Iratat al-Afan, dans un de ses livres, il dit que les tentations sont de deux sortes, les ambiguïtés et les passions. D'accord? Et c'est là où divergent les sectes. Il y en a qui suivent leurs passions, il y en a qui suivent leurs des ambiguïtés. Donc, relation extérieure-intérieure. Bien sûr, les tentations, la mauvaise fréquentation, le fait d'écouter de la musique et tout, je sais que la musique est haram, et le fait de médire, ça noircit le cœur, tout ça c'est des tentations qui noircissent le cœur. S'il les reçoit la personne, son cœur il noircit. Et si le cœur est noir, il va se répercuter sur le corps parce qu'il y a un autre hadith qui dit Alla inna fil jasadi la mudra. Dans le corps de l'homme, il y a une mudra, une bouchée de viande. Et dans saluhat, c'est les bonnes, c'est les biens. Saluhal jasadu kullu. Tout le corps va être bien. Donc, relation maintenant intérieure-extérieure. Hadi qa'ida fil iman. Dans l'iman, dans la profession de foi. Dans l'iman. Inda al sunna al jama'a. C'est très important cette qa'ida. Ah oui. Si vous priez avec un qamis et une barbe et avec un rotra et tout, vous aurez le khushu'. Tu fais la prière avec un jean serré, une boucle d'oreille, je ne sais pas si tu auras le khushu'. C'est à toi de... Donc c'est très important ça. On ne peut pas avoir l'amour d'Allah, la crainte, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on le suit extérieurement. Le professeur Salam a fait ça, je fais comme lui. Si je fais le geste comme il a fait, mon cœur va être bien. Mais si je le désobéis, je dis, moi j'ai une bonne intention, moi je suis sincère. L'important c'est l'intérieur. L'important c'est l'intérieur. L'extérieur n'a aucune valeur, c'est des futilités ça. Qa'idat al-sunnah dans l'iman, qu'il y a hadiths, il y a beaucoup de hadiths là-dessus, que l'extérieur il influe. Si tu ne te soumets pas extérieurement, ton intérieur ne se soumettra pas. Dakhala al-janna. Faman ata'ahu, dakhala al-janna. Celui qui obéit au prophète, donc obéissance extérieure et intérieure. D'accord? Extérieure et intérieure. Faman ata'ahu, celui qui obéit au Rasoul, rentrera au paradis. D'accord? Et le paradis, أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والبروفيت صلى الله عليه وسلم il dit qu'Allah a dit le Très-Haut, j'ai préparé pour mes serviteurs ce que jamais œil n'a vu, jamais oreille n'a entendu et jamais cœur humain n'a imaginé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez si vous en voulez une preuve, le verset suivant, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ça c'est le verset 17 de la sourate 32. Et le hadith il est rapporté par Sahihain, par Sheikhain, le Bukhari et Muslim. Donc le paradis c'est comme l'a décrit Allah, je me contente à... وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui désobéit, au Rasoul, celui qui lui désobéit rentrera en enfer. Ça, c'est la règle générale. Ne parlons pas de certains individus, ou si lui est ignorant, ou il est pardonné parce qu'il est ignorant. Mais la règle générale, celui qui désobéit rentre en enfer. La miséricorde d'Allah est large, mais c'est ça la règle générale. Allah, il dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Celui et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ça, c'est dans Sourate An-Nisa, le verset 14. Et il dit dans Sourate Al-Jinn, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. D'accord? Mais ça, c'est une désobéissance qui mène au shirk, à l'association. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate 24, verset 63, dans Sourate An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils prennent en garde ceux qui contreviennent à son ordre de ne pas succomber à la fitna, à la grande tentation, ou ne les frappe un châtiment douloureux. D'accord? C'est clair. Et puis, Cheikh Rahimahullah, quand il a dit, celui qui le désobéit rentrera en enfer, ou ad-dalil qawluhu ta'ala. Toujours la connaissance, toujours avec l'épreuve. On dit quelque chose et on argumente. Al-ilm bid-dalil. La connaissance, c'est avec les arguments. Ou ad-dalil qawluhu ta'ala. La preuve dans les paroles divines suivantes. Inna arsalna ilaykum rasoulan shahidan alaykum. Nous avons envoyé un envoyé, ou nous avons envoyé un rasoul pour témoigner de vous. Ainsi avions-nous fait à Pharaon. Inna arsalna ilaykum rasoulan shahidan alaykum kama arsalna ila Pharaon rasoula. Nous avons envoyé un rasoul pour témoigner de vous, ainsi avions-nous fait de Pharaon. Fa'asa Pharaon rasoul. Pharaon désobéit alors à l'envoyé, fa'akhadnahu akhdan wabila. Nous le prîmes d'une prise accablante. Ah, voilà la preuve, l'argument c'est clair. Pharaon a désobéi, Pharaon est en enfer. Et puis la deuxième chose, le deuxième principe, الثانية, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. L'auteur, رحمه الله, a dit Allah n'agrée pas, n'admet pas, ne tolère pas qu'on lui associe quelqu'un dans son adoration, fût-il un ange rapproché ou un prophète envoyé. Ou Nabi Mursal. Agréé, Allah il agréé et il n'agréé pas. Donc l'agrément, Ar-Rida, c'est un attribut d'Allah. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle l'attribut de l'acte. C'est pas un attribut de l'essence comme la vie. La vie, Allah a toujours été vivant. Une vie non précédée par le néant, et il ne sera jamais atteint par la mort. De même, la connaissance, c'est un attribut de l'essence. Al-ilm, sifatun dhatiya. Allah, sa connaissance n'a jamais été précédée d'ignorance, et il ne sera jamais touché d'oubli. Donc, mais al-rida, qu'il agrée, c'est un attribut de l'acte. Ça veut dire, si Allah veut agréer, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle sifatun fi'liya, l'attribut de l'acte. La yarda, il n'aime pas, il n'agrée pas de sa volonté religieuse, comme on appelle, irada shar'iyya. Il n'agrée pas. Allah agrée des choses et il n'agrée pas d'autres choses. Allah, il agrée tawhid, l'unicité, qu'on l'adore, lui l'unique, qu'on l'aime. D'accord? Il agrée l'islam, il agrée l'imam, il agrée la religion de l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée wa raditu. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous dans sourate Al-Ma'ida, verset 3, surat 5, verset 3. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, « In takfuru, fa inna Allah ghaniyun ankum, wa la yarda li'ibadihi al-kufr, wa in tashkuru yardahu lakum. » Allah, il dit, « Si vous déniez, Allah se passe de vous, et il n'agrée pas que ce serviteur tombe dans la mécréance. Il n'agrée pas la mécréance pour ce serviteur, pour ses esclaves. Et si vous êtes reconnaissant, Allah vous agrée. » D'accord. Donc Allah, il agrée l'unicité, il agrée qu'on soit reconnaissant, il agrée qu'on l'aime, il n'agrée pas le kofr, il n'agrée pas le shirk, il n'agrée pas les mauvaises choses. Allah n'agrée pas la mécréance. Donc la yarda ayyushraka bihi, il n'agrée pas. La première chose qu'Allah n'aime pas, et il n'agrée pas, il n'accepte pas, il n'admet pas, il ne tolère pas qu'on touche à ses attributs, qu'on touche à son essence, qu'on lui attribue l'enfant, et qu'on dit que Dieu c'est le troisième des trois, ou qu'on dit que d'autres peuvent être invoqués en dehors d'Allah. Il n'attribue pas qu'on lui associe. La yarda ayyushraka bihi, comme a dit Cheikh rahimahullah. Ash-shirk, c'est quoi? Shirk, c'est égaler quelqu'un à Allah dans ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mettre à égalité dans l'un de ses attributs. D'accord? Comme ils disent les gens de l'enfer quand ils seront en enfer, Tallahi in kunna la fi dalalil mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Les gens de l'enfer, ils diront de leurs idoles, par Allah, nous étions dans un égarement manifeste que nous vous égalions avec le Seigneur de l'univers. Et il est évident qu'ils ne les ont pas égalés carrément. Ils n'ont pas dit qu'il y a deux dieux. Certes, il y en a qui ont dit ça. Mais ils l'ont égalé dans l'un de ses attributs. Soit dans l'amour, soit dans la vénération, soit dans l'invocation. Ils ont invoqué des souillures. Ils ont invoqué des tombes, les hôtes d'une tombe. D'accord? Ils ont associé à Allah. Du moment que quelqu'un, par exemple, invoque une tombe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égalé l'hôte de cette tombe avec Allah. Dans quoi? Dans l'invocation seulement. Sinon, tu lui dis, est-ce que l'hôte de cette tombe, ce cheikh là, ou elle, est-ce qu'il crée? Il va dire, non, il ne crée pas. Il sait qu'il ne crée pas. Donc, il n'a pas mis à égalité complètement cette personne avec Allah, mais il l'a égalé dans l'invocation et il est tombé dans le shirk. Le shirk aslou taswiya. Donc, shirk dans l'adoration, ça veut dire adorer quelqu'un d'autre avec Allah. Adorer Allah et en même temps une autre personne. Ou une statue, ou une... Donc, c'est la chose qui répugne à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la chose qu'Allah n'aime pas. Si quelqu'un, il invoque autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah, même s'il fait le pèlerinage, même s'il fait la prière, mais tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu donnes des associés, ton œuvre sera vaine et tu feras partie des perdants. Si la personne ne s'est pas repentie de cette association, s'il est mort alors qu'il est associateur, tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur. S'ils donnent des associés, leurs œuvres seront vaines. Et Allah a dit ça aux prophètes. Il a évoqué dans Surat Al-An'am les histoires des prophètes et tout. Il a différents prophètes, Ibrahim. Et après, il a dit si eux, ils ont fait ça, ils ont donné des associés, leurs œuvres n'ont aucune valeur. Comme a dit Isa alayhi salam. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux fils d'Israël? Celui qui adorait Allah, Abdullah, Rabbi wa Rabbukum. Adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Inna huma yushrik billah, celui qui est associé avec Allah, faqad harram Allah alayhi al-jannah, Allah lui interdit le paradis, wa ma'wahu an-nar, et l'enfer sera sa demeure, wa ma liz-zalimin min ansar, et aux injustes point de secoureur. Donc Allah n'agrée pas shirk qu'on lui associe. La yarda ay yushrak ma'ahu ahad fi ibadatihi. Il n'agrée pas le fait qu'on lui associe quelque chose ou qu'on lui associe à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète envoyé par lui. D'accord ? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne tolère pas ça. Et il y a un verset où Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit ce verset-là, il coupe shirk, l'association, à la racine. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat 7, قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Zarra, normalement à l'origine, c'est la petite créature, c'est une fourmi. D'accord, Zarra. Azar, c'est les petites fourmis, normalement. La yamlikuna, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature ou d'une petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ, et ils n'ont jamais été associés à leur création. وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Ça c'est dans surat Saba, la surat 34 et les versets 22 et 23. Ibn al-Qayyim il dit quoi? Il dit ce verset, il déracine shirk. Tous les arguments des associateurs, il les a cassés. Donc, il a répondu à eux. Il dit, les associateurs prétendent que leur divinité possède quelque chose avec Allah. Quand il associe quelque chose avec Allah, il dit pourquoi il adore telle divinité. Bah parce qu'il possède, il a la moitié de l'univers, ou il possède quelque chose avec Allah. Et Allah, il a rompu, ou il a enlevé cet argument-là. Il dit, قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, invoquez ceux contre ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. La yamlikuna mithqala dharra, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature. Donc la possession, ils ne possèdent rien du tout. Vos divinités ne possèdent pas. Si vous prétendez qu'ils possèdent quelque chose, ben ils ne possèdent rien du tout. Stiqlalan, indépendamment. Hein? Parce que la personne, il peut posséder. Allah même, il en a parlé dans le Coran. Alam sara ila alladhi حج إبراهيم أن أتاه الله الملك. Celui qui a discuté avec Ibrahim et à qui Allah lui a donné la royauté. Mais il possède ou il a une propriété, mais il ne la possède pas indépendamment. Comment? Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir de l'univers d'Allah. Il dit, moi je possède ça, il est à moi. Tout ce qu'il possède, il appartient finalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va mourir, il va le laisser à autrui. C'est une propriété provisoire. D'accord? Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Ni dans les cieux, ni sur la terre. D'accord, ça c'est le premier argument. Ils vont dire, écoute, nous les invoquons, j'invoque ce wali ou ce sheikh, ben pourquoi? Ben parce qu'ils sont associés avec Allah. Ben ils ne possèdent pas. Mais Allah les a choisis comme associés. Ils vont s'associer avec lui, ils vont être avec lui comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ, ça veut dire, ils n'ont jamais été associés à leur création ou à la création de l'univers. Ça veut dire, ils ne possèdent même pas le poids d'une petite créature, ni dans les cieux, ni sur la terre, et ils n'ont jamais été associés à leur création. Ça veut dire à la création des cieux et la terre. Ils n'ont pas été associés avec Allah. Donc Allah a coupé la deuxième racine. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Ils vont dire, écoutez, ils ne sont pas ses associés, on est d'accord. Ils ne possèdent pas, ils ne sont pas ses associés. Bon, on va dire qu'ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et il dit subhanahu wa ta'ala, il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'a personne ou il ne compte parmi eux nul auxiliaire, si vous voulez. Donc, même pas d'auxiliaire. Ils ne possèdent pas, ils ne sont pas ses associés. et ils sont pas ses auxiliaires. Bon, on va dire que peut-être comme les vizirs ou les ministres autour du roi qui vont intercéder, coup de piston et tout. Ils vont intercéder en faveur de certaines personnes. Ils vont intercéder en notre faveur pour qu'ils nous fassent rentrer au paradis. Ils ne possèdent pas, on est d'accord. Ils ne soutiennent pas Allah. Ils ne sont pas ses associés. Seulement, ils ont un droit, comme le droit du vizir envers le roi. Il intercède, il lui dit, voilà, cette personne veut se rapprocher de toi, cette personne, on veut lui donner tel poste, et il intercède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ subhanahu wa ta'ala. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il le permet. C'est lui qui le permet d'abord. C'est lui qui le permet. Parce que sa royauté est absolue. Il faut qu'il permette d'abord à l'intercesseur et en deuxième à celui qui cherche l'intercession. Donc l'intercession, si vous prétendez que vos divinités sont vos intercesseurs, que ce wali, que ce cheikh, vivant ou mort, est un intercesseur. Je vais l'invoquer parce que c'est un intercesseur. Je n'en souciais pas. Allah, il dit, même l'intercession, c'est moi qui l'a permis. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni. L'intercession qu'après sa permission. Qu'après qu'il agrée les deux conditions de shafa'a, de l'intercession, c'est qu'Allah agrée celui qui cherche l'intercession, et Allah n'agrée pas shirk, donc il n'agrée pas, si la personne lui associe, Allah il n'agrée pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en sa faveur, ou les anges ou les croyants. D'accord ? من أسعد الشفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله أبو هريرة il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم qui est celui qui va profiter de ton intercession envoyée d'Allah قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه celui qui dit لا إله إلا الله en étant sincère dans son cœur et il est impossible qu'il soit sincère et qu'il ne prie pas il est impossible qu'il soit sincère il ne fait pas de bonnes œuvres. Et donc, la quatrième racine a été coupée. Donc, celui qui va dans la tombe du prophète, vers la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, intercède en ma faveur, il n'a pas le droit de le dire, parce que l'intercession, c'est Allah, il faut d'abord qu'Allah le permet. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dites, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et dans la terre. Subhanahu wa ta'ala, fureté à lui. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc il informe Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et de la terre. Allah il connaît ce qui se passe. Ça veut dire c'est comme si vous connaissez des choses qu'Allah ne connaît pas. Du moment que vous dites sur vos idoles qu'ils intercèdent et qu'ils ont une action dans le delà, etc. قل لله الشفاعة جميعا. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Dans une autre sourate, sourate 39, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. Donc on ne peut pas la demander à un hôte de la tombe. Et le cheikh, rahimahullah, il est très habile. Il a dit, très intelligent, il a dit, Allah n'agrée pas, il n'admet jamais un associé à lui dans son adoration. Que ce soit un ange rapproché de lui, d'accord, ou un prophète envoyé. Si l'ange rapproché Allah n'accepte pas que même cet ange-là, qu'on ne lui associe pas l'ange Jibril, alayhi salam, donc celui qui a un degré moindre que Jibril, on ne peut pas l'invoquer, d'accord. C'est en priorité. Si Allah n'agrée pas qu'un prophète, qu'on lui associe pas un prophète, donc à quelqu'un, le cheikh ou le wali, il est à un degré plus bas. Donc si on n'a pas le droit d'associer à Allah son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur être humain, donc le shirk ou le wali, n'importe quel shirk qui a un degré moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas l'invoquer, on ne doit pas l'adorer. Pourquoi il a parlé d'ange? Parce que les gens, ils disent, ils croient que le shirk de Quraysh, l'association chez le peuple de Quraysh, c'est juste l'invocation des statues, des pierres. Des pierres. La pierre, ils adorent la pierre, ils croient que la pierre, elle crée, ils croient que... par manque de raison. Alors que les statues, ils représentent des walis, ils représentent des gens vertueux comme Lat, comme a dit Ibn Abbas. Lat, c'était un homme, Yalit Tussawiq, ça veut dire c'était un homme qui accueille les pèlerins et leur donne le miel et leur donne le pain, il est très hospitalier. Et quand il est mort, les gens ont été touchés par sa mort. Et après sa mort, ils ont modelé la statue qui le représente. Après, ils ont invoqué. C'est un cheikh, c'est le proche d'Allah. On n'est pas à sa hauteur. Il y a des gens qui croient que les mécréants de Quraysh adoraient les statues. Maintenant, les statues, ça n'existe pas, donc c'est sûr que ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent ça par leur ignorance. Mais les statues, ils représentent soit des hommes, soit ils représentent des anges. Donc celui qui invoque un ange, il est tombé dans l'association. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il dit « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ أَهَؤُلَئِكَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ أَهَؤُلَئِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا. Allah, il dit dans sourate Saba. Et un jour, il les rassemblera, il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient, les associateurs? Et les anges, ils diront, gloire à toi, tu es notre Seigneur, tu es notre allié en dehors d'eux, ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, ils prétendent croire les anges, mais ils adoraient les djinns. Donc, ils adoraient des êtres humains. Donc, tous ceux qui invoquent ou adorent un être humain, il est tombé dans le shirk. Ça, c'est dans Sourate 34, le verset 40-41. Et même, le shirk, ça ne veut pas dire qu'adorer les statues, adorer aussi les êtres humains, comme j'ai dit, les anges ou les prophètes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie alayhi salam, il dit « وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ » أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Et rappelle-leur le moment où Allah dira au Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah? اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Et Jésus va dire, alayhi salam, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. In kuntu qultuhu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi. Wa la a'lamu ma fi nafsik, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamu al-ghuyub. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. L'ghaib, l'invisible ou le mystère. Ma qultu lahum. Voilà ce que va dire Isa alayhi salam. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Et je fus témoin d'eux aussi longtemps que je fus parmi eux. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. Et quand tu m'as élevé vers toi, كنت انت الرقيب عليهم. Et quand tu m'as appelé, c'était toi qui fus leur observateur attentif. وانت على كل شيء شهيد. Et c'est toi qui es témoin de toutes choses. Donc ils ont adoré Jésus. Ils ont adoré. Donc l'adoration d'un être humain ou d'un wali ou d'un shirk ou d'un... est interdite et haram. Et shirk. Donc ce qui a poussé les chrétiens à adorer Isa alayhi salam, c'est qu'ils ont dépassé l'extrême dans leur religion, dans leurs actes de dévotion et aussi dans leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont allés à l'extrême. Ils ont vanté Jésus et dont Isa alayhi salam, ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté jusqu'à l'égaler à Allah. Donc Cheikh rahimahullah, il dit inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Allah n'admet pas qu'on lui associe que ce soit un ange ou que ce soit un prophète. Donc qu'est-ce qui a poussé à ce que les gens ont adoré Isa? C'est qu'ils l'ont vanté. Ils l'ont vanté, ils ont dépassé l'extrême dans la religion. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum, aux gens du livre, ne vous portez pas à l'extrême en votre religion. Ne dites sur Allah wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, ne dites sur Allah que le vrai. Innamal masih Isa ibn Maryama rasulullah. Le Messie Jésus fils de Marie n'est qu'un messager, n'est qu'un rasulullah. وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. فآمنوا بالله ورسوله. Croyez en Allah. Croyez en Allah et en ses rasoul, en ses messagers. ولا تقولوا ثلاثة. Et ne dites pas trois. انتهوا خيرا لكم. Cessez, ce sera meilleur pour vous. إنما الله إله واحد. Allah est un ilah unique, est un adoré unique. Subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu walad. Innama al-aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha intahu khayran lakum innama Allahu ilahun wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Transcendance ou à sa transcendance ne plaise qu'il eut un fils. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui tout ce qui est aussi sur la terre, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme protecteur, wa kana Allahu ala kulli shay'in wakila. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde pour ne pas tomber dans le piège, pour que notre communauté ne tombe pas dans le piège où ont tombé ceux qui nous ont précédés. Ils ont dépassé la mesure dans la vénération de Isa alayhi salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Ne me vantez pas comme les chrétiens l'ont fait pour Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites serviteur d'Allah. عبد الله ورسوله, serviteur d'Allah et son rasoul et son envoyé. Mais malgré ceci, il y a des gens de cette communauté qui ont vanté et qui ont suivi les pas des associateurs avant nous. D'accord ? Ils l'ont vanté, comme a dit le Bousseri, on voit ça dans les livres, ils lisent ça dans l'anniversaire du prophète, l'innovation qu'ils ont créée. Ils ont innové et en plus de l'innovation, ils l'ont vanté. L'innovation de l'anniversaire de Maulid, ils l'ont vanté dans leur poème. Regarde ce qu'ils chantaient dans la mosquée, dans les mosquées. Wa inna min judika ad-dunya wa darrata. Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le vantent, ils disent à toi appartient ta générosité, il couvre les cieux et la terre. Wa inna min ulumika, et parmi tes connaissances, ilm al-lawh wa al-qalam. Parmi tes connaissances, la connaissance de la table gardée et la connaissance de l'qalam. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le destin et la prédestinée de toutes choses, etc., etc. قل لا أقول لكم قل لا أعلم الآية في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. الله يلدي في سورة الأعراف verset 188 dit, ça revient au prophète صلى الله عليه وسلم, dit je ne détiens pour moi, ni profit, ni dommage. Sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais le ghaïb, si je connaissais l'invisible, le mystère ou le futur, j'aurais eu des biens en abondance. J'éviterais les obstacles. Et aucun mal ne m'aurait touché. Moi-même, Hassan Yassou. In ana illa bashirun wa nadir. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un associateur, et un annonciateur. Les qawmin, un avertisseur et un annonciateur pour les gens qui croient. Donc le prophète sallam dit lui-même que qu'il ne connaît pas l'invisible, mais ils l'ont vanté. Ils l'ont ya akram al khalq mali mali man aloudu bihi siwaka 'inda hudouth al hadith al 'amami. Il dit, ô le plus noble des créatures, je n'ai que toi pour demander secours lorsque les grandes catastrophes viennent. Ça, c'est dans le poème. Je n'ai que toi. Allah, non. Ni Makej, la Rabbi subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Non, je n'ai que le prophète.